Chapitre 15. Dès qu'elle eut avalé son petit déjeuner, Sharon s'engagea sur le chemin du volcan. Les bûcherons se levaient tôt pour profiter de la fraîcheur. Avant de se mettre au travail, ils avalaient un porridge de manioc, de la soupe et une infusion de maté. Ce menu convenait à la fillette dont les facultés d'adaptation confinaient au prodige depuis son accident. Il lui plaisait de redevenir une sauvageonne comme au temps de la forêt d'Ashden. À cette différence près qu'à Ashden, elle avait souffert du froid. Ici, il faisait si chaud qu'on pouvait vivre nu, ou presque à cause des moustiques. Pour ce qu'elle en avait vu, la population de l'île semblait moins hostile que les paysans de son enfance, ces croquants enquistés sur les terres de son père, ces cutéreux qui s'étaient empressés de la pourchasser lorsqu'elle avait trouvé refuge dans les bois. Mais bon, il était encore trop tôt pour se faire une idée. En tout cas, c'étaient des métis venant de Guyane, du Venezuela ou de Colombie. Elle les devinait superstitieux en diable. Elle n'aurait aucun mal à se faire passer pour une sorcière auprès d'eux. Cela pouvait les dissuader de lui chercher noise. Quand elle atteignit le pied du volcan, le soleil allumait des reflets roses sur les tempes de la ville miniature. Devereaux, cheveux au vent, faisait des libations dans la lumière. Elle l'entendit prononcer le mot Isis et se rappela que c'était celui d'une déesse égyptienne dont les Romains avaient fini par s'enticher à l'aube du christianisme. L'ayant entendu approcher, l'homme vint à sa rencontre. Il souriait. Ses vêtements en loques exposaient plus qu'il ne cachait son corps maigre, constellé de griffures. « Tu es venu !» s'exclama-t-il. « Comme je suis heureux. J'ai regardé tes mains hier. Elles sont fines, déliées. Je suis sûre que tu sais peindre et dessiner. » « Oui, » admit Sharon interloquée. « Je me débrouille bien, c'est vrai. Quand j'étais encore une vraie petite fille, j'envisageais même d'en faire mon métier. » « Ah, quel bonheur! Il y a si longtemps que j'attends cela. Je suis moi-même incapable de tenir un crayon. » Et mes croquis feraient honte à un gamin de 3 ans. J'ai besoin d'un peintre capable de reproduire à l'intérieur des maisonnettes les images qui ont décoré les murs à l'origine. Pourrais-tu t'en charger ? Sharon haussa les épaules. Oui, peut-être, si c'est pas trop compliqué. Je te montrerai les photographies des originaux, bredouilla Devereaux de ce débit vertigineux qu'il adoptait dès que l'excitation bousculait ses pensées. Tu devras ensuite ramper à l'intérieur des petites maisons pour peindre ces images sur les murs. Les Romains d'un certain rang se devaient d'exhiber de semblables fresques sur les parois d'une pièce spéciale qu'on désignait du nom de pinacotheca. C'était un signe de richesse. Ma reconstitution ne saurait être complète sans cela. Les maisons ne peuvent rester nues, vides. Ce serait comme... Une boîte de sardines sans sardines, proposa Sharon. Devereaux se força à sourire. Il aurait sans doute préféré une autre comparaison. Viens, fit-il, je vais te montrer les images. En ce qui concerne les couleurs, nous les fabriquerons à partir de pigments naturels, comme les anciens. Ce sera passionnant. Il entraîna la fillette dans une caverne qui s'ouvrait au flanc du volcan. Là se trouvaient entassés les bagages qu'il avait réussi à sauver du naufrage. Les Romains avaient une pièce spéciale pour faire la sieste, expliqua-t-il d'un ton docte. Ils l'appelaient la cubicula diurna. Cette grotte est ma cubicula diurna. Je m'y retire quand la chaleur devient insupportable. Parfois, elle s'emplit de vapeurs étranges qui, si on les respire, provoquent des hallucinations. C'est de cette manière que travaillait la pitié de Delphes, sais-tu? Il me plaît de l'imiter. J'ai l'impression de communiquer avec le volcan. C'est comme si, à travers les images qu'il m'envoie, il essayait de me faire part de ses intentions. Quel vieux dingue, songea Sharon. N'empêche, le bonhomme lui plaisait. Elle n'avait jamais supporté les gens raisonnables. La caverne avait la forme d'une fissure. Elle s'enfonçait en s'étrécissant à l'intérieur de la muraille de lave pétrifiée. L'universitaire avait aménagé cet espace au moyen de tables, de chaises en bambou. Déjà, il déroulait des plans, pérorant comme s'il venait de monter en chaire. Pompéi était bâti sur le modèle classique des cités conçues par Vitruve, annonçait-il. Des rues à angle droit. Ici, la voie domitienne, là, le temple de Vénus, là, celui de Minerve. Comme la carte avait tendance à s'enrouler sur elle-même, il la coinça avec un exemplaire délavé de De Officiis de Cicéron. Et Isis, bien sûr, une divinité à la mode qui était en train de supplanter les autres. Chez les Romains, la religion obéissait ainsi à des toccades, on s'entichait d'un dieu, d'une déesse, et on reléguait aussitôt les anciennes divinités au placard. S'empêtrant dans ses rouleaux, il étala devant Charonne le tracé architectural d'une demeure classique. Là, le vestibulum, ici l'impluvium, une sorte de bassin carré. Sur les murs, les masques mortuaires des ancêtres ayant vécu dans la maison. Leur regard observait les gestes des vivants et les jugeait. Là, la salle à manger, désignée sous le terme de triclonium parce qu'elle contenait trois lits. Charon bâilla ostensiblement. « Je sais déjà tout ça, » gémit-elle. « J'avais un précepteur de latin grec. » Devereux parut déstabilisé. Mais tels ces paquebots lancés à pleine vitesse, auxquels il faut 2 kilomètres pour s'arrêter, il continua son discours d'un débit mécanique. Ici, dans le jardin, le bassin à murène ou à l'emproi. Parfois, on y jetait les esclaves qu'on désirait châtier. La murène est extrêmement carnassière, elle. « Et ça, c'est quoi ?» interrogea Charon en pointant l'index sur une table de bambou recouverte d'un monceau de petites poupées blanchâtres. « Les morts ?» balbutia le vieillard. Ou plutôt, un modelage à échelle réduite des moulages originaux, exécuté d'après les traces en creux imprimées par les cadavres dans la cendre pétrifiée du Vésuve. Quand on a découvert ces sortes de moules, on y a coulé du plâtre liquide. Il en est résulté des statues donnant une image parfaite des corps ensevelis lors de la catastrophe. « Oui, j'ai entendu parler de ça, » fit distraitement la fillette. Elle s'était emparée d'une statuette et s'amusait à la faire marcher comme s'il s'était agi d'un pantin. Devereux écarquilla les yeux, sa bouche se mit à trembler. Le surveillant du coin de l'œil, Charon saisit une seconde statuette et la fit pareillement se dandiner. « Bonjour, madame, » lança-t-elle en immobilisant les deux poupées face à face. « Bonjour, madame, ça va? Vous allez faire vos courses ?»« Non, je vais acheter du foie de gladiateur. Il paraît que quand on le mange cru, ça guérit toutes les maladies. »« C'est vrai? Mais oui, ma chère, mais il faut se dépêcher. Dès qu'un gladiateur tombe dans l'arène, tout le monde en veut un bout. » Elle parlait d'une voix acide de petite fille bétifiant. Elle s'amusait de sentir Devereux sur le point de la gifler. Oserait-il? S'il la touchait, elle lui écraserait ses fichues poupées sur le crâne, quitte à lui faire exploser la boîte crânienne. Devereux laissa retomber ses mains tremblantes, vaincue. Charon abandonna aussitôt les poupées. Alors comme ça, fit-elle, vous voulez que je peigne les murs à l'intérieur de vos petites maisons? Montrez-moi les images que je devrais copier. Il s'exécuta avec une docilité d'esclave, comme si la fillette détenait le pouvoir de le faire jeter aux murènes sur un claquement de doigts. Charon fut surprise par la beauté des fresques, où le rouge le disputait alors, où d'étranges figures de nymphes, de boucs, de monstres célébraient des cérémonies nocturnes au fond de jardins en trompe-l'œil. Elle n'avait jamais contemplé de telles peintures. Il en émanait une séduction maléfique, une fascination inexplicable. Elle eut l'impression de contempler une messe noire rassemblant des personnages aux expressions lointaines et ironiques. Des dieux déguisés en humains, à l'étroit dans ses peaux trop fragiles. Un peu effrayée, elle repoussa les illustrations. Quand elle s'adressa au vieil homme, elle avait perdu toute arrogance. « C'est beau, » dit-elle. « Je le ferai, d'accord. Mais ça ne sera pas aussi réussi, vous en avez conscience ?» Ce qui compte, c'est l'esprit, murmura Devereux. Je sais que tu feras de ton mieux, parce que tu as perçu la magie de ces fresques. L'âme des anciens t'inspirera, elle guidera tes doigts. Tu deviendras leur instrument, comme la pitié leur servait de porte-voix vivant. Ils parlaient par sa bouche, ils dessineront avec tes mains. Sharon aurait voulu éclater d'un rire moqueur, elle en fut incapable. Elle eut soudain la conviction que l'universitaire disait la vérité. Les dieux de l'ancienne Rome allaient effectivement la visiter. Elle n'aurait qu'à leur ouvrir son esprit, ils emménageraient en elle comme dans une maison vide. Elle deviendrait leur marionnette. Le papier étant rare, Devereux lui conseilla de dessiner sur les rochers avec un charbon de bois pour s'entraîner. La fillette s'exécuta. Pendant 2 heures, elle s'efforça de reproduire les motifs de la fresque sur la pierre ponce. « C'est comme si je vivais au temps préhistorique, » se répétait-elle. « Je suis l'artiste de la tribu. Je peins des aurochs, des mammouths. » Dans son dos, Devereux continuait son bavardage. Il parlait à présent du volcan, séjour de Pluton, dieu des enfers, évoquait les Grecs qui croyaient que chaque cratère communiquait avec le Tartare, ce séjour souterrain et mystérieux. Sharon se demanda si, lorsqu'il était seul, il pérorait pareillement pour un public d'étudiants fantômes. Sans doute était-ce le seul remède qu'il avait été capable d'imaginer pour supporter sa solitude. Saoulée de paroles, menacée par la migraine, elle déclara tout à trac qu'elle avait besoin de visiter l'intérieur des maisons pour se faire une idée et s'échappa de la caverne. S'immobilisant au milieu de la ville miniature, elle goûta le plaisir de se sentir géante. Alors qu'elle s'agenouillait à l'entrée d'un temple avec l'intention de s'y glisser, elle eut la stupeur de voir émerger d'entre les colonnes une tête de garçonnet barbouillée de poussière. Elle eut un mouvement de recul qui la fit tomber sur les fesses. Le gosse s'esclaffa. « Salut, dit-il, t'es la nouvelle recrue? Comment tu t'appelles ?» Il parlait l'anglais avec un accent indéfinissable. Ses cheveux noirs, farinés de poussière grise, évoquaient ses perruques portées jadis par les nobles. « Sharon, lâcha la fillette en se relevant. « Moi, c'est José, fit le gosse. José Bartolomeo da Silva da Boa. Et derrière toi, il y a mon frère et mes sœurs, Chantipe, Marinica, Filipina di Pipa. » À l'énoncé de leur nom, les enfants sortirent à 4 pattes des maisons miniatures, comme des chiens s'avançant au seuil de leur niche. Ils avaient tous la peau brune, les cheveux noirs. Le plus grand avait 11 ans, la plus jeune 8 ans. « Nous sommes brésiliens, » expliqua José. « Nous revenions de France quand notre bateau a fait naufrage. Notre canot de sauvetage a dérivé loin des autres. Pour finir, il a été capturé par le courant froid. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. » « Tu parles bien anglais, » fit Sharon pour dire quelque chose. En réalité, elle se sentait mal à l'aise. Elle n'avait pas l'habitude de côtoyer des enfants de son âge. « Je parle l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le portugais, » proclama fièrement le gamin. « À Rio de Janeiro, nos parents sont riches. Ils expédient notre linge à Paris pour le faire blanchir. » Dans sa bouche, ce haut fait prenait l'allure d'un départ aux croisades. « Et vos parents, s'enquit Sharon, où sont-ils ?»« À Rio. On voyageait avec notre nurse. Peut-être qu'elle s'est noyée. » C'était une vraie garce, on ne pleurera pas sur elle. J'espère que les requins lui ont bouffé les nichons. Que faites-vous ici? La même chose que toi? Le vieux fou nous a engagés pour construire ces fichues maisonnettes. C'est plus marrant que d'écouter les sermons de Gunnarsson et de balayer la sciure. En fait, si le Suédois nous laisse venir ici, c'est pour que nous lui servions d'espions. Pourquoi? Il se méfie de Devereux. Il le soupçonne de vouloir réveiller le volcan. Ce serait possible? D'après Gunnarsson, oui. Il suffirait de faire exploser une grande quantité de dynamite au fond du cratère. Ça pulvériserait le bouchon de lave durcie et pof, tout sortirait d'un coup. Comme le caca quand on a la colique, compléta Pipa en pouffant de rire. Le Suédois nous a chargé de trouver la cachette des explosifs, reprit José. Mais en réalité, on vient surtout pour les gâteaux au miel. Ils sont vraiment délicieux. Et puis les filles aiment bien les petites maisons, lança Chantipé le second garçon. Ça leur donne l'occasion de jouer à la poupée. Pendant ce temps-là, elles arrêtent de pleurnicher en réclamant leur paupa et leur môme. Devrault fabrique aussi de la bière, expliqua José non sans forfanterie. À la manière égyptienne, avec du pain, de l'eau et du miel. Ils laissent tout ça fermenter, ça saoule. On en boit de plein baquet, puis on vient roupiller ici, à l'ombre des maisons. J'aime pas la bière, énonça Pipa avec un sérieux impressionnant. Ça sent le pipi de chien. Sharon ne savait quelle attitude adopter. Les gosses la fixaient sans paraître effrayées par ses brûlures. C'était nouveau pour elle. N'y tenant plus, elle demanda. « Mon visage, il ne vous fait pas peur ?» José haussa les épaules. « Tu sais, marmonna-t-il, sur les terres de mon grand-père, il y a une mission qui recueille les lépreux. Alors, les gueules effrayantes, on en a vu depuis qu'on est petit. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Au moins, toi, t'es pas lépreux, c'est déjà ça. » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Marinika. « Une bombe est tombée sur ma maison, mentit Sharon. Mes parents ont été tués. Je suis ici avec ma nurse. Elle va participer à la loterie du mariage. Alors j'aurai un nouveau père. Mais ça ne m'emballe pas trop. Sauf si c'est Chico Palatino, parce qu'il est beau. » « Chico, c'est un prétentieux, ricana José. En plus, il chante mal. À Rio, on le surnommait le roi de la samba. Tu parles d'un roi ?» Sautant sur ses pieds, il se tortilla de façon grotesque, en roulant des yeux comme un ministrel. Ces comédiens blancs qui, à l'époque du cinéma muet, se spécialisaient dans les rôles des noirs, dont ils donnaient une image caricaturale, souvent grotesque. « Ta nurse, elle va devenir la putain des bûcherons, » prophétisa Chantipé. « En réalité, la loterie est truquée. » Le hasard n'a rien à voir dans l'affaire. Les mecs vont voir le Suédois en cachette pour lui faire des offres. Des offres? Oui, ils lui proposent des machins en échange pour qu'il truque le tirage au sort. Ça peut être de la bière, de la nourriture, des couvertures, ou bien des services. Ils lui construiront une nouvelle cabane, ils lui feront la cuisine tous les jours, ce genre de choses. Gunnarsson étudie les offres. Il choisit la plus intéressante et, le jour de la cérémonie, s'arrange pour sortir le nom du mec avec le nom de la fille. « C'est dégoûtant, » protesta Sharon. « C'est un malin, le petit père Ulf, sous ses airs de curé, » ricana José. Le tirage au sort lui permet de vivre comme un coq en pâte. En réalité, il vend les femmes aux plus offrants. Comme ça, il n'a plus à se préoccuper de chercher sa nourriture, d'entretenir sa maison ou de tisser ses vêtements. Ça lui tombe dans le bec tout rôti. En fait, c'est le petit roi secret du clan des bûcherons. À sa place, je ferai pareil, renchérit Chantipé. Quand je serai grande, je ne participerai pas à la loterie, déclara Marinika. Je ne veux pas avoir plusieurs maris, c'est mal. Tu feras comme les autres, s'esclaffa Chantipé, parce que ça te démangera, voilà tout. « Ta nurse, je l'ai vue, » reprit José. « C'est la fille avec les cheveux rouges. Elle est pas mal. On voit qu'elle a de bonichons. Gunnarsson va la mettre aux enchères, c'est sûr. Les propositions vont affluer. Moi, si j'avais de quoi, je l'achèterais sans hésiter. »« Tais-toi, cochon !» siffla Sharon soudain menaçante. « C'est bon !» lança José faisant marche arrière. « Y a pas de quoi prendre la mouche. » C'est que ta nurse, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? L'embêtant pour toi, fit Chantipé, c'est que tu vas changer de père tous les ans. Il y a de sacrés numéros dans le lot. Ça risque de ne pas être triste. Sans compter que, d'ici 2 ans, Gunnarsson te mettra aux enchères, toi aussi. Je suis trop laide, siffla Sharon. Je ne risque rien de ce côté-là. Détrompe-toi, corrigea José. Ton corps, lui, sera jeune. Rien qu'à te regarder, on devine déjà que tu seras bien foutu. Les bûcherons ne sont pas délicats. Ils te mettront un sac sur la tête. Sharon lui expédia une gifle qu'il évita de justesse. « Je dis ça pour ton bien, » protesta le garçonnet. « Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu as tout intérêt à rejoindre notre clan. »« Votre clan ?»« Oui, la confrérie des architectes romains. C'est comme ça qu'on s'appelle. » Si tu acceptes de travailler pour Devereaux, Gunnarsson te fichera la paix. Il a trop besoin d'espions. Comme ça, tu n'auras pas à participer à la loterie. Et plus tard, quand ça te démangera, tu pourras te marier avec moi. Ou avec moi, s'empressa de lancer Chantipé. Avec ni l'un ni l'autre, intervint Marinika, ce sont des crétins. Ils se touchent toute la journée et ne se lavent jamais. Une querelle s'ensuivit, dont Sharon choisit de s'abstraire. Elle se demanda si elle devait mettre Amy au courant des révélations qu'elle venait de recueillir. « Ça ne servira à rien, décida-t-elle. Elle refusera de me croire. Qu'elle se débrouille après tout. Ce sont des histoires d'adultes. Ça ne me regarde pas. » Les enfants arrêtèrent de se chamailler. Comme Devereaux s'était avancé au seuil de sa cubicula pour voir ce qui se passait, chacun regagna son lieu de travail et recommença à gratter la pierre ponce dont les maisons étaient constituées. Sharon comprit que les gosses s'appliquaient à ciseler les frontons des temples, les corniches et les cannelures des colonnes. Pour ce faire, ils utilisaient des outils rudimentaires, sans doute forgés par Devereaux lui-même. Désirant faire preuve de bonne volonté, elle se mit sur le ventre et rampa à l'intérieur d'un bâtiment qui l'avala tout entière. Elle fut surprise de constater à quel point on avait poussé le souci du détail. Rien ne manquait. Elle s'étendit sur le dos et ferma les yeux. Il faisait frais, elle était bien. Elle finit par s'endormir. José la réveilla une demi-heure plus tard en lui tirant les pieds. « Tu vas rater la distribution de gâteaux au miel, » souffla-t-il. « Amène-toi. » Se fabriquant des expressions d'enfant sage, les membres de la confrérie des architectes romains gagnèrent la cubicula. Devereaux avait préparé du maté, ainsi qu'une profusion de petits gâteaux dorés qu'il cuisait dans un four primitif. Pendant que les enfants mangeaient, il s'empara d'un gros livre à la reliure émiettée et entreprit de leur en faire la lecture. Il s'agissait des derniers jours de Pompéi, de Sir Edward George Bulwer Lytton. Sharon jugea le récit soporifique en diable et cessa d'écouter au bout de 3 pages. Le vieillard lisait avec des trémolos tragiques très début de siècle. Parfois, il s'oubliait jusqu'à mimer le comportement des héros. Pour se soutenir, il avalait à intervalles réguliers des gorgées d'une bière artisanale qui sentait fort. « Il est pompette !» chuchota Chantipé. « Tu vas voir, ça va devenir crevant. » Effectivement, une fois le dernier pichet vidé, Devereaux abandonna le livre et, se dressant, commença à déclamer les bucoliques en latin. Il s'agitait comme une vieille théâtreuse sous l'œil des gamins qui s'étranglaient de rire. Soudain fatigué, l'universitaire s'excusa avant de s'effondrer sur son lit de camp où il se mit à ronfler avec entrain. « Tu vois, triompha José, on a la bonne vie ici. Si tu restes en bas, tu deviendras la boniche des bûcherons. On te fera peler les légumes, cuire la soupe. Les femmes te torgnoleront toute la journée parce que tu n'es pas assez vive, pas assez adroite. Les hommes te pinceront les fesses et les nichons. Ici, c'est pas pareil. On est des privilégiés. Et plus tard, chuchota Chantipé, si tu en es digne, on te fera participer au mystère. Tais-toi, gronda son frère aîné. Faut pas lui parler de ça. Elle n'a pas fait ses preuves. José avait serré les poings. Chantipé recula, penaud. De quel mystère s'agit-il? S'enquit Sharon. Plus tard, grogna José, tu ne crois tout de même pas qu'on va te révéler tous nos secrets dès le premier jour? Mais tu dois savoir une chose. Les vrais maîtres de l'île, c'est nous. Le reste de la journée fut consacré au travail de la pierre. Sharon s'appliqua à reproduire sur l'un des murs intérieurs de la maison du poète l'esquisse d'une fresque. Ce n'était pas facile, mais elle sentait qu'avec de l'entraînement, elle y parviendrait. Le soleil se couchant, elle se découvrit désolée de rentrer au camp. « Tu n'as qu'à prévenir ta nurse que tu dormiras ici à l'avenir », lui suggéra José. « Devrons-nous installer des hamacs à l'entrée de la cubicula ? C'est chouette. On se balance comme des singes dans un arbre. » Sharon prit congé et s'éloigna, les doigts noircis de fusain. En approchant du campement, elle décida que le temps était venu pour elle de s'éloigner d'Ami. Si elle était assez grande pour qu'on lui pince les fesses, elle l'était également pour prendre sa vie en main. D'ailleurs, dans l'ancienne Égypte, songea-t-elle, les filles de mon âge avaient déjà épousé le pharaon depuis longtemps.